Bonsoir à tous. Vous écoutez la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal en français, dont voici la charpente. Les envoyés spéciaux de la médiation sont à Bujumbura depuis quelques jours. Ils comptent rencontrer les dirigeants de ce pays pour parler du conflit inter-burundais. Les affiliés de la Mutuelle de la Fonction Publique demandent une lumière pour ce qui concerne la collaboration entre les pharmacies et la Mutuelle, car ils indiquent que ces affiliés n'arrivent pas à se procurer les médicaments des spécialités. Le gouverneur de la province de Bubanza a échappé à une embuscade dans la nuit de ce mardi. Les auteurs de ce forfait ne sont pas connus, mais d'après la police, ces malfaiteurs auraient regagné la réserve de la Rukoko. 36 jeunes de la province de Ngozi ont été arrêtés par la police. Ces jeunes ont expliqué qu'ils se rendaient en Tanzanie pour chercher du travail. La mise en onde est assurée par Jean Dodieu Ndaisenga à la présentation Alida Ndaikeza. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Les émissaires du facilitateur dans le conflit inter-burundais Benjamin Mkapa sont en visite au Burundi depuis lundi de cette semaine. Selon le ministère des Relations extérieures, ils viennent rencontrer les autorités burundaises. D'après toujours le même ministère, entre 6 et 8 émissaires composent cette délégation pilotée par David Kapia, conseiller particulier du facilitateur Mkapa. Le calendrier provisoire de leurs activités montre qu'ils vont partir le 19 courant. Les affiliés de la Mutuelle de la Fonction Publique se plaignent d'un manque de médicaments des spécialités dans les pharmacies. Ils disent payer 80% alors qu'ils donnaient avant 20%. Même les consultations sont plus chères en violation de la convention avec la Mutuelle. Ces affiliés demandent plus de lumière de la part de la direction de la Mutuelle. Suivez-les. La Mutuelle de la Fonction Publique devrait payer les frais de soins de santé à 80%, mais maintenant, la Mutuelle a changé de tactique. Maintenant, la Mutuelle paie 20% sur les médicaments des spécialités. L'exemple n'est pas très loin. Vous regardez sur cette facture, il y a un médicament qui coûte 12 450. La Mutuelle a payé 980 et moi, j'ai payé 11 470. C'est une grande surprise que les affiliés de la Mutuelle nous demandent une grande lumière sur ça. Au niveau des consultations, là aussi, c'est dernièrement, j'ai eu une grande surprise. On m'a consulté sur une facture de 3200 et la Mutuelle a payé 20%, ça veut dire 400 francs. Et moi, j'ai payé 2800. Quand on se présente à la pharmacie et qui collabore avec la Mutuelle, ayant un bon, on te dit que le produit n'est pas disponible dans le stock. Tu reviens une heure après et soi-disant que tu vas acheter le produit à 100%, on te dit que le produit est disponible. Quand tu demandes pourquoi on a caché le produit, on te dit que les prix de la Mutuelle sont restés inchangés, alors que les prix des produits changent du jour au jour au marché. Alors, nous demandons aux responsables de la Mutuelle de prendre à main cette question, très inquiétante, je le dis et je le répète, parce que si on est affilié, quand on est membre, on cotise mensuellement. Et quand on cotise, on attend à ce qu'on ait pris en charge comme le contrat le détermine. Alors, nous demandons aux responsables de la Mutuelle de prendre à main cette question. Si réellement, ils voient que les cotisations sont restées bas, ils peuvent nous dire que on peut augmenter nos cotisations. Nous sommes affiliés, nous attendons à ce que la Mutuelle puisse réellement nous donner ce qu'elle a signé comme contrat. Et je demanderai aussi, si réellement la question n'est pas résolue, je demanderai au gouvernement de prendre à main cette question. Si réellement ils voient que la Mutuelle n'est pas capable de nous prendre en charge comme convenu, ils peuvent laisser les affiliés aller dans d'autres sociétés qui prennent en charge les affiliés. Isanganiro. Parlons sécurité. À présent, le gouverneur de la province de Bubanza a échappé hier à une embuscade tendue par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. C'était dans la commune de Guihanga, sur la route de Bujumbura-Cibitoke. Il n'y a pas eu de dégâts humains, sauf son véhicule qui a été touché par des balles tirées par ces malfaiteurs. Selon les informations de la police, après le forfait, ces malfaiteurs ont rejoint la réserve naturelle de la Rukoko. Spes Caritas Kabanyana. C'était aux environs de 20h au cours de cette nuit de mardi à mercredi que des tirs nourris ont été entendus à Guihanga sur la route nationale numéro 5 de la route Bujumbura-Cibitoke entre la 5e et la 6e transversale. Des habitants proches de la localité indiquent qu'ils voyaient même des balles traçantes en provenance de cette route vers Guihanga centre. Selon l'administration locale, il s'agit du gouverneur de la province de Bouanza qui est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés qui n'ont pas été identifiés. Une information également confirmée par les forces de l'ordre. Des assaillants qui seraient venus de la réserve naturelle de la Rococo, selon la même source, se sont repliés vers la même forêt. Aucun dégât n'a été enregistré, sauf le véhicule du gouverneur qui a été atteint par les balles. Les forces de l'ordre sont vite intervenues et ont pu limiter les dégâts. Rappelons que des embuscades pareilles sont souvent tendues par des hommes armés qui viennent de l'autre côté de la rivière Rusizi, passant par la Rococo, selon des sources militaires, et qui se volatilisent souvent dans la réserve de la Rococo même après les forfaits. Tarcisse Niyongabo, gouverneur de Bouanza, nous a signifié ce matin que ceux qui voulaient lui arracher la vie au cours de cette nuit sont des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés et qu'il va collaborer encore plus avec les forces de l'ordre afin de renforcer la sécurité dans cette localité. C'est Caritas Kabanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. Merci Spes pour ces précisions. Sécurité encore, une attaque a été déjouée contre le ménage dans certains Hatungimana de la colline Maramvia en commune Vurambi de la province Rumonge. Prime Daisenga, chef de zone Maramvia, informe que deux personnes munies de lampes torches ont fait éruption à l'enclos de Hatungimana vers 20h de ce mardi. Les voisins ont crié au secours et les présumés malfaiteurs ont pris le large vers la Mouvaradi. Sur cette même colline, des chèvres qui avaient été volées vers minuit ont été récupérées vers 4h du matin, informe Balthazar Niongeko, chef collinaire de Maramvia. Et Manassé Kadzungu, pasteur pentecôtiste arrêté dimanche dernier en commune Vianda, a été conduit à la prison de Wururi ce mercredi matin. C'est après l'interrogatoire de ce mardi en présence de son avocat, le procureur de la République à Wururi, d'y avoir pris ses décisions pour poursuivre les enquêtes. Ce pasteur étant dans les mains de la justice. Depuis dimanche soir, ce pasteur était retenu au cachot de la police à Wururi, accusé d'avoir renseigné la politique à l'église. La radio de l'avenir. Continuons ce journal en nous rendant à Rumonge où le gouverneur de cette province a interdit depuis ce mardi la consommation du café en groupe pendant les heures de service. Il explique que c'est dans la perspective de lutter contre le fainéantisme. Jean-Pierre Misago. Se rassembler autour du café est désormais autorisé entre 5h45 et 7h30 du matin et entre 16h et 21h du soir à la ville de Rumonge. Selon Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, c'est incompréhensible que des gens passent tout leur temps en buvant du café, en jouant aux cartes et à la dame, au moment où le gouvernement du Burundi veut que la population se mette au travail pour l'autodéveloppement et le développement de leur patrie. Dans une réunion avec les représentants de ces principaux points de rassemblement autour du café dans la ville de Rumonge, ce mardi, le gouverneur de Rumonge leur a donné le message que toute fréquentation de ces places est désormais interdite dans les heures de service et que des mesures de sécurité doivent être prises en consommant du café en groupe dans l'optique de lutter contre la fainéantise et sauvegarder la sécurité. Juma Issa Namavukiro, un des participants dans cette rencontre, reconnaît l'utilité de cette mesure et promet de la transmettre à ses confrères pour ne pas un jour être surpris dans des heures de service. Sur 11 places du genre des quartiers Swahili et Rukinga dans la ville de Rumonge, 10 sont du quartier Swahili. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Misago pour le reportage et quittons Rumonge pour nous rendre à Ngozi. Et 36 jeunes des communes de Ruhororo et Tangara de la province Ngozi ont été arrêtés ce mercredi matin en commune Ruhororo. Ces derniers disent qu'ils se rendaient en Tanzanie à la recherche du travail, ce qui inquiète la police. Ils sont pour le moment gardés au cachot de la police judiciaire de Ruhororo pour question d'enquête. Correspondance d'Apollinaire Muzagara. Ces 36 jeunes hommes ont été arrêtés dans la matinée de ce mercredi vers 4h sur la colline de Gitamo de la commune Ruhororo en province Ngozi à bord de trois véhicules. Ils sont tous originaires des communes Ruhororo et Tangara de cette province. Ces jeunes gens, même qu'ils se rendaient en Tanzanie à la quête du travail, déplorant qu'ils sont menacés par le chômage. Mais la police dit être inquiétée par ce déplacement en masse des gens de la même génération, d'où leur arrestation sont pour le moment gardés au cachot de la police judiciaire d'Ororo. Le commissaire provincial de la police, Edouard Moukoko, indique que ces gens vont être ramenés au chef-lieu de la province Ngozi pour être auditionnés par les instances habilites. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Muzagara pour ces détails. Et terminons le tour des correspondants, nous rendons à Muyinga où avoir réussi en classe avec 50% n'est pas suffisant pour entrer en quatrième degré de l'école fondamentale. Certains enfants en commune Muyinga s'étonnent de n'avoir pas été orientés en septième. Des sources à la DCE affirment qu'en dessous de 60%, la pondération des branches principales est prise en compte. Le point avec Dieudonné Nzeimana. Les listes des élèves orientés en septième année en commune Muyinga sont affichées au bureau de la direction communale de l'enseignement en commune Muyinga. Certains écoliers, parmi ceux qui ont plus de 50% en sixième année, ne se retrouvent pas sur ces listes. Des voix s'élèvent pour indiquer qu'ils ont bel et bien réussi aux épreuves de la sixième année, mais qu'ils sont placés cette fois-ci dans la catégorie de ceux qui ont échoué. Même s'il n'y a plus de concours national pour les écoliers de la sixième année, il y a des conditions d'accès au quatrième degré de l'école fondamentale d'après les cadres à la direction communale de l'enseignement. Avoir 50% en sixième année n'est pas suffisant pour entrer en septième. En dessous de 60%, une commission d'orientation a analysé la moyenne dans les cours dits principaux, tels les mathématiques, français, anglais, formation civique et humaine, Kiswahili et Kirundi. Celui qui n'a pas 50% dans ses cours n'a pas été orienté. Parfois, un élève peut avoir 50% grâce au complément des disciplines telles le sport, l'art et les travaux pratiques, sans pour autant être compétent pour affronter la classe suivante, à savoir la septième année, pour cette situation. Dieudonné Nzeimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeimana et c'est par ton reportage que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Jean de Dieu Ndaï Senga pour la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Ali Dandaï Keza. Au revoir à tous.